un homme qui viendrait me chercher, que lui dirais-je au premier rendez-vous? S'il est vraiment charmant et s'il est riche, si son col même en semaine est blanc, s'il parle bien, s'il s'habille chez un tailleur chic, moi je lui dirais non. Je ne serai pas intimidée, je saurai lui résister. Bien sûr, le ciel sera plein d'étoiles, bien sûr, le navire il sera là grand voile, mais je connais la chanson. Et tous très riches, que leur col même en semaine était blanc, qu'ils parlaient bien, qu'ils s'habillaient chez un tailleur chic. Moi, je leur ai dit non. Et je n'étais pas intimidée, je savais leur résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles, et bien sûr, le navire et c'est la grand voile, mais je connais la chanson. Se mettre au lit sans façon, se donner pour un oui, pour un non. Pas charmant, pas du tout riche, et son col même en semaine était sale. Ses vêtements mal coupés étaient vraiment banals, mais je n'ai pas dit non. J'étais tout à fait intimidée, j'ai pas su lui résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles, bien sûr, le navire avait laissé ses voiles, et j'ai perdu la raison. Cadeau de ma fille, qui est la dernière ressource de ma vieillesse, mais ma maison s'écroulera sur moi, mon dernier chien s'enfuira au loin. Je ne me hasarderai pas à faire cadeau du noir que j'ai sous les ongles, de peur d'attirer la famine sur ma tête. Oui, si nous pouvions tous les trois passer l'hiver avec quelques bûches en réserve, nous pourrions peut-être voir venir l'année prochaine, peut-être. Eh bien, qu'en dis-tu? C'est la récompense de tout ce que nous avons fait pour elle. Oh, j'en viendrai folle. Tout ce bruit dans ma tête, je ne tiens plus sur mes jambes. Un cognac. Regarde ta mère, regarde ce que tu as fait. Allez, vite. Une fille à gangster, assez beau, assez agréable. Intéressant de voir comme cette pauvre femme a pris ça à cœur. C'est la seule consolation qui reste à ta pauvre mère. Tu peux s'en gracher en donner deux verres. Ma mère supporte une double ration quand elle n'est pas tout à fait dans son état normal. Ça la remet sur pied. Oh, la voilà maintenant qui fait semblant monde compatible, t'inquiétez-moi. Ah, non Non, ça ne peut plus durer. Il faut que je vous le dise une fois pour toutes, votre boutique est un bouge à cochon. Quoi? Et ce faux moignon n'est pas un faux moignon. Il y a un attrape-nigo pour lequel je ne veux pas gaspiller mes économies. Et que veux-tu? C'est un moignon tout aussi bon qu'un autre. Ah oui, mais tu ne le tiens pas propre. Alors pourquoi est-ce que je ne gagne pas ma vie tout aussi bien que les autres? Non, ça ne prend pas avec moi. J'aurais aussi bon compte de me couper ma vraie jambe si c'est pour porter une saloperie pareille. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous voulez tous au juste? Que voulez-vous que j'y fasse, moi, si les gens ont le cœur dur comme une pierre tombale? Je peux quand même pas vous coller 5 moignons à chacun. En 5 minutes, je fais de n'importe qui une épave si affligeante qu'un chien fondrait en larmes en le voyant. Que voulez-vous que j'y fasse si ça fait pas pleurer un homme? Bon. Voilà un autre moignon. S'il tient, il est suffisant. Mais prends soin de tes affaires. Ça ira. Oh, je t'en prie, maman. Réfléchis un peu. Est-il beau? Même pas. Mais il a une belle situation. Il m'offre une existence décente. Oh, c'est un cambrioleur sans égal. Tiens, je peux te citer le chiffre. À combien se montent dès maintenant ses économies? Encore quelques petites entreprises heureuses et nous pourrons nous retirer dans une petite maison de campagne. Tiens, tout comme Monsieur Shakespeare, que faire place si haut? Ah. Oh, ben c'est bien simple, tu es marié. Qu'est-ce qu'on fait quand on est marié? Tu penses à rien? Mon divorce, oh, c'était si difficile à trouver. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ben, le divorce, pas du... Mais c'est que je l'aime. Comment pourrais-je songer à divorcer? Voir un peu, Polly, tu n'as pas honte. Oh, maman, si tu as jamais aimé. Tu sais, sacré roman, que tu as mis ton tourner la tête. Non, bon, enfin, Polly, c'est pourtant ce que tout le monde fait. Eh bien, je suis une exception. Et moi, je vais te botter les fesses, espèce d'exception. Mais c'est ce que font toutes les mères dans ce cas-là, mais ça ne sert à rien parce que l'amour est placé plus haut que les fesses. Polly, ne fais pas déborder le vase. Je ne me laisserai pas voler mon amour. Allez, autre plus, tu sois une gifle. L'amour est plus fort que tout. Il est ton type. Il a sûrement plusieurs poules. On verra samedi une demi-douzaine de créatures qui se présenteront comme la veuve, chacune avec un marmot sur les bras. Oh, je m'attends. Pendu. Pendu, mais qu'est-ce qui te fait penser à ça? C'est une bonne idée, ça. Sors un instant, Polly. Très juste. Ça nous ferait 40 livres de prime. Je vois, faut le dénoncer au shérif. Ben, naturellement. Et par-dessus le marché, on nous le pendra gratuitement. C'est faire d'une pierre deux coups. Seulement, il faudrait savoir où il se cache. Oh, je vais te le dire, mon cher. Il se cache chez ces putains. Mais elles ne le dénonceront pas. Laisse-moi faire, enfin, c'est l'argent qui mène le monde. Ouais. Je vais tout de suite au quartier parler à ces demoiselles. Si ce monsieur a le malheur d'aller en retrouver une d'ici 2 heures, il est fait. Une de ces femmes à qui préférerait aller de lui-même en prison. Mais même s'il allait en prison, le shérif lui offrirait un cocktail et en fumant un cigare, ils discuteraient ensemble d'un certain commerce de cette rue où tout n'est peut-être pas tout à fait en règle. Car, cher papa, ce shérif était très gai à mon mariage. Oui. Comment s'appelle ce shérif? Il s'appelle Brand. Mais tu ne dois le connaître que sous le nom de Tiger Brand, parce que tous ceux qui ont à le redouter l'appellent Brand le tigre. Mais mon mari, vois-tu, lui, dit Jacou. Car pour lui, il est tout simplement son cher Jackie. Ils sont amis d'enfance. Tiens, tiens, ils sont amis, eux, et le shérif et le plus grand bandit, ce sont sans doute les seuls vrais amis dans cette ville. Chaque fois qu'ils buvaient un cocktail ensemble, ils se caressaient mutuellement la joue en disant « Si tu en siffles encore un, j'en sifflerai à moi aussi ». Chaque fois que l'un d'eux sortait, l'autre avait les larmes aux yeux et disait « Si tu vas quelque part, j'irai moi aussi ». À la police, il n'y a rien contre Maki. Bien, bien. et jeudi matin. Monsieur Mathieu, un monsieur certainement polygame, a incité ma fille, Polly, à quitter le domicile paternel sous prétexte de mariage. Avant la fin de la semaine, on le conduira au gibet pour ce seul motif, comme il le mérite. Hein, monsieur Mathieu, autrefois, vous aviez des gants de chevreau glacés blancs, une canne à pomme d'ivoire, une cicatrice au cou et vous fréquentiez l'hôtel de la pieuvre. Votre cicatrice est toujours là, c'est d'ailleurs de vos signes particuliers celui qui a le moins de valeur, mais vous ne fréquentez plus que des cellules au solide barreau, et dans un très proche avenir, vous ne fréquenterez plus rien du tout. Jonathan, tu n'y arriveras jamais. Il s'agit de McIlsurineur, c'est le plus grand bandit de toute la ville, il est tout puissant. Et puis quoi, McIlsurineur? Et après, prépare-toi, nous allons chez le shérif. Et toi, tu vas chez les putains. J'ai faim, putain. Car la bassesse du monde est telle qu'il faut sans cesse agiter ses jambes en courant de peur de se les faire voler. Pour moi, cher papa, je serais très heureuse de serrer à nouveau la main de Monsieur Brand.